déterre dès le matin. On va déterrer le machin. Aucun de mes frères offrait, sache qu'aucun de mes frères n'est un jeun. Une grande frite, un cajun. J'taffe les fit au casque, quoi, j'vais skiller flic au car pour pas être celui qui est frite en cajun. J'freestyle, j'envoie des petites frappes et j'm'améliore, oui, mais dites-moi pourquoi j'tombe sur les pires femmes et les meilleurs weed. J'vais pas ce que mes parents veulent, dès que j'ai 15 ans, moi j'pose ma taille. Y'a tout qui part en yuck, normal, de moins en moins de choses m'atteignent. En bas, on se fait ficher. 216 sur l'étendard, dans les temps sales, frère, en restant sage, on se fait pitié. Attentat au mic, je ne joue pas dans votre machination. J'cogite quand j'vois les machines, les machines, les machinations. J'fais le thème à l'arraché, dès le thème arraché, arraché. J'parle, la voix s'éteint dans la trachée. Les deux pattes dans la merde, elles se vendent à la mêle. Mais dis-moi ce qui va pas dans ta vie, j'dirais ce qui va dans la mienne. Et ils nous parlent de vraie vision, d'invasion, volonté inexplicable, besoin d'une révision. Bien trop souvent, mon esprit cale. Moi, j'trouve que la peine, j'ai pas la vie que les gens vendent. Je joue à perdre, toujours à perdre, j'fume plus de weed que j'en vends. Jamais on se prend au jeu, ils ferment la porte aux nôtres. On sait ce qu'on prend aux vieux, mais dis-moi ce qu'on apporte aux mômes. Tout porte à croire qu'ils restent les braves. J'porte la croix et le poids m'épuise. J'passe l'hiver chez moi, mais j'me vois, ouais, j'me crois en bas des pistes et j'raconte pas des cracks. On braille tous par où, mais on paraît calme. On sent pas de sa taille, on coupe toujours le gâteau, on paraît calme. J'reste à la bourse, ça tombe par où, on voit que des corps en sang. Cherche pas l'amour, aucun de nos tards, on sent encore ensemble. Tout compte fait, t'as vu le mal, le compte fait compte. Y'a que des règlements de compte, sûrement pas de compte fait. Un moral en ciment, j'ai la rage, mais c'est ma pierre qui baffe. Ne parle pas de sentiments, as-tu déjà vu une pierre qui bat? J'dis que y'a que des falches, frère, et ça me déçoit. Ça te serre la main, puis ça te pick up, puis ça te recale dans les réseaux. Les sales regards, on les reçoit. Message tenu, j'pars à ma casse. N'écoute jamais ce qu'on dit sur moi, sache que nulle part à ma place. On n'est pas couché, même Morphée dansera. Tous les jours, j'arrête la weed et j'me demande ce que j'fais dans ce rap. Averti le jeu, hey. J'viens de l'enfer, j'ai la verte du show. En fait, j'm'entête, j'ai mal, j'me soigne avec la verte du jaune. C'est l'effet l'aria, sans c'est la rime, c'est mathématique. On sait que c'est mes faits mal, c'est vrai, on fait que semer des pages vides. Ma parole trop manque à l'appel, les gens nous gênent. Y'a pas longtemps, ma daronne m'a dit que la peine était dans nos gènes. Alors j'm'obstine dans le texte, sûr que j'peux faire changer un sourd. Des combien ont la grosse tête alors qu'ils n'ont même pas mangé un sou. J'm'agite, j'fais pas ça pour avoir ma place dans le hit machine. Mais c'est magique, c'est pas qu'un passe-temps, imagine. Et malgré tout, j'reste un part. Apparemment, il reste vrai. J'voulais qu'on me donne ma part, à peine si on m'a donné du respect. Rien à foutre. Rack, j'serre les mains, j'fais plus de prières. Fier, ceux que j'appelle frères sont les mêmes depuis le primaire. Sous-estimé, à l'écart, on n'a pas destiné. J't'expliquais qu'on a que les cartes que le diable nous laisse tirer. C'est partout la même, évite. Les croches, pas de prendre ton or. Ouais, on rêve de la vie de rêve. On fait que des cauchemars quand on dort. Alors je sais que c'est pas ce rap qui nous rapportera quoi que ce soit. Mais je laisse ma trace comme c'est que je m'attraque. Et je sais que ça boit ce soir. Je sais que je suis bien censé perdre. À l'instant T même, j'écris, je critique notre art. Mais je serai rien sans cette merde. Je reste assis là, m'en approche. Je suis plus l'un d'eux, sans plus l'un des. C'est Slimane à la prod. Et peu importe leur père, faut que les notes se lèvent. Le rap, notre forteresse. Big up à ceux qui apportent leur pierre. Chance hip-hop.